Dans le recueil intitulé « Sagesse » que Paul Verlaine publia en 1881, j'ai choisi et enregistré pour vous sept poèmes. Ces sept poèmes sont inspirés le plus souvent par les 2 années de prison que Paul Verlaine passa en Belgique pour avoir blessé de 2 coups de revolver son ami Rimbaud.